heures passées, le concert terminé. J'ai de la fierté, de la joie mélangée. Moi qui pensais que les filles allaient m'arracher, mon ego est flatté, mais l'amour n'est pas à mes pieds, et je reste seul, planté dans mon orgueil. Je crois en moi, je sais que je vaux quelque chose, je mérite la joie et l'odeur des roses. J'attends mon aimée après le concert. Elle n'est pas au rendez-vous apparemment, et je ne suis plus si fier, et je reste seul, planqué dans mon orgueil. Les autographes, les photos, tout ça, c'est du bidon. Je ne réclame qu'un cadeau, c'est plus que votre affection, mais je reste.